Chapitre 7e, à l'aventure. Après le dîner de midi, il était d'usage chez mon oncle de se tenir pendant une heure ou deux à l'entrée de la maison, dans le vestibule dallé de pierre et orné d'une grande fontaine guillochée en cuivre rouge. C'était le lieu le plus frais, au moment de la lourde chaleur du jour. On y maintenait l'obscurité en fermant tout, et deux ou trois petits traits de soleil, où dansaient des mouches, filtraient seulement à travers les joints de la grosse porte Louis XIII. Dans ce village silencieux, où personne ne passait, on n'entendait toujours que le même éternel jacasson de poule, toutes les autres bêtes semblant s'être endormies. Moi, je n'y restais point, dans ce vestibule frais. L'accablant soleil du dehors m'attirait, et à peine d'ailleurs était-on installé en cercle qu'on entendait « pan » à la porte de la rue, les petits Peyrals qui venaient me chercher et qui secouaient tous trois le vieux frappoir de fer chauffé à brûler les doigts. Alors, chapeau baissé, nous partions chaque jour pour quelque entreprise nouvelle, avec des marteaux, des bâtons, des papillonnettes. D'abord les petites rues gothiques pavées de cailloux, puis les premiers sentiers alentour du village, toujours couverts d'un matelas de balles de blé, où on enfonçait jusqu'aux chevilles et qui entraient dans les souliers. Puis, enfin la campagne, les vignes, les chemins qui grimpaient vers les bois, ou bien encore la rivière, guéable pour nous, avec ses îlots pleins de fleurs. Comme revanche de mon calfeutrage et de ma vie trop immobile, trop correcte de toute l'année, c'était assez complet. Mais il y manquait toujours la compagnie d'autres garçons de mon âge, les froissements, et puis cela ne durait que 2 mois. Les fins d'été surtout étaient délicieuses là-bas, quand les plaines devenaient toutes violettes de crocus, au pied des bois déjà jaunis. Alors commençaient les vendanges, qui duraient bien 15 jours et qui nous enchantaient. Dans des recoins de bois ou de prairies, avoisinant ces vignes des petits Peyrals où nous passions alors toutes nos journées, nous faisions des dînettes de bonbons et de fruits, après avoir dressé sur l'herbe les couverts les plus élégants, que nous entourions à l'antique de guirlandes de fleurs et dont les assiettes étaient composées de pampres jaunes ou de pampres rouges. Des vendangeurs venaient là nous apporter des grappes exquises, choisies entre 1000, et la chaleur aidant, nous étions vraiment un peu gris quelquefois, non pas même de vin doux, car nous n'en buvions pas, mais de raisins seulement, comme se grisent, au soleil sur les treilles, les guêpes et les mouches. Un matin de la fin de septembre, par un temps pluvieux et déjà frais qui sentait mélancoliquement l'automne, j'étais entré dans la cuisine, attiré par un feu de branche qui flambait gaiement dans la haute cheminée ancienne. Et puis là, désœuvré, contrarié de cette pluie, j'imaginais pour me distraire de faire fondre une assiette d'étain et de la précipiter, toute liquide et brûlante, dans un seau d'eau. Il en résulta une sorte de bloc tourmenté qui était d'une belle couleur d'argent clair et qui avait un certain aspect de minerai. Je regardais cela longuement, très songeur. Une idée germait dans ma tête, un projet d'amusement nouveau, qu'allait peut-être devenir le grand charme de cette fin de vacances. Le soir même, en conférence tenue sur les marches du grand escalier à rampe forgée, je parlais au petit Peyrals de présomptions qui m'étaient venues, d'après l'aspect du terrain et des plantes, qu'il pourrait bien y avoir des mines d'argent dans le pays. Et je prenais, pour le dire, de ces airs entendus de coureurs d'aventure, comme en ont les principaux personnages dans ces romans d'autrefois qui se passent aux Amériques. Chercher des mines, cela rentrait bien dans les attributions de ma bande, qui partait si souvent avec des pelles et des pioches, à la découverte des fossiles ou des cailloux rares. Le lendemain donc, à mi-montagne, comme nous arrivions dans un chemin, délicieusement choisi de reste, solitaire, mystérieux, dominé par des bois et très encaissé entre de hautes parois moussues, j'arrêtai ma bande avec un flair de chef peau rouge. Ça devait être là. J'avais reconnu la présence des gisements précieux, et en effet, en fouillant à la place indiquée, nous trouvâmes les premières pépites, l'assiette fondue que la veille j'étais venu enfouir. Ces mines nous occupèrent sans trêve pendant toute la fin de la saison, eux, absolument convaincus, émerveillés, et moi, qui pourtant fondais tous les matins des couverts et des assiettes de cuisine pour alimenter nos filons d'argent, moi-même arrivant presque à m'illusionner aussi. Le lieu isolé, silencieux, exquis, où ces fouilles se passaient, et la mélancolie sereine de l'été finissant, jetait un charme rare sur notre petit rêve d'aventurier. Nous tenions du reste nos découvertes dans le plus amusant mystère. Il y avait maintenant entre nous comme un secret de tribu. Et, dans un vieux coffre ignoré du grenier de mon oncle, nos richesses, mêlées d'un peu de terre rouge de montagne, s'entassaient comme en une caverne d'Ali Baba. Nous nous étions promis de les y laisser dormir pendant tout l'hiver, jusqu'aux vacances prochaines, où nous comptions bien continuer de grossir ce trésor. Ainsi s'achève le roman d'un enfant par Pierre Loti.